terminus. Les mains en l'air minus, mais pas les nerfs, j'suis déterminé, serre bien l'anus. Crade comme une pute du gibus, comme au puce, j'ibus, j'abuse, j'm'amuse avec une muselière. Baisse la musique de Molière, un buzz à stick, meilleur stick, sushi, tes beurs. Ma bite c'est mon pic, hashtag, j'aime pas le beurre, ça se complique quand j'rapplique. Quand j'rappe, j'm'applique, l'état implique sa politique merdique. Mais le peuple dans un état critique, sur ma tête, on se croirait au cirque. Ils détournent des briques et des briques, pendant que nous on braque, ils remplissent leurs sacs, construisent des baraques, au bord des lacs, gros porc c'est wack, ton cercle et c'est au fond de ta barque. Tellement j'ai la triche, chasse des briques, j'veux du fric, fric. Nique le fixe, sans minique, sans y tente cul. But, on bute, j'viens de la jupe, fit, but une petite pipe. Lève ta jupe, c'est une bute, faut pas que tu flippes. Dans les clips, j'mets des clashs. Dans ton slip, y'a une flaque, c'est pas une blague, ici c'est crade. Comme un Belgrade, ça se dégrade, ça gratte, je gratte en grade, ça dégoupille les grenades et ça se gratte. Mais on vient par l'état, on a grandi dans la guérilla. On s'efforce de faire le poids. Pour ne pas devenir un appât. Coincé dans un système qui manipule. Faut du fric pour faire du fric qu'on n'existe pas dans leur calcul. Ils se cachent derrière des costards et des cravates. Tire les ficelles d'une justice qui nous savane. Ils ont peur de notre temps basané. Pourtant ils pensent dans nos pays après nous avoir pillés. C'est comme être assisté par un système D. Le D signifie défaite à travers leur idée. Ma musique est militante. J'écris face à ma feuille blanche, car le système braque à l'absence. Tellement j'ai la triche, chasse des briques, j'veux du fric, fric. Nique le fixe, sans minique, sans y tente cul. But, on bute, j'viens de la jupe, fit, but une petite pipe. Lève ta jupe, c'est une bute, faut pas que tu flippes. Dans les clips, j'mets des clashs. Dans ton slip, y'a une flaque, c'est pas une blague, ici c'est crade. Comme un Belgrade, ça se dégrade, ça gratte, je gratte en grade. Ça dégoupille les grenades et ça se gratte. Nika, America, 100% pure Arabica. Je représente mon amour Africa. Vite abrite-toi, dans mon site y'a pas d'arbitre quoi. Ma bite t'envoie sur orbite, j'crois en moi. Et même si c'est pas la joie, j'dois niquer la loi. Personne fait le poids, personne fait le roi. Alors ça va de soi, j'suis pas dans la joie. Donc tais-toi et crois en ce que tu vois. La vie c'est pas le jeu de loi, c'est Mortal Kombat. Comme tu l'as dit, la vie c'est Mortal Kombat. Pas d'arbitre, pas de règles, là c'est sans son les combats. On évolue au bord du précipice. Agressif mais tout en pisse depuis les heures, c'est la triste. Quand y'a plus rien de concret, on vit dans l'abstrait. Qu'on prend pour bien récupérer. Sans nos appris, je pense tout lever. Tellement j'ai la triche, chasse des briques, j'veux du fric, fric. Nique le fixe, sans minique, sans y tente cul. But, on bute, j'viens de la jupe, fit, but une petite pipe. Lève ta jupe, c'est une bute, faut pas que tu flippes. Dans les clips, j'mets des clashs. Dans ton slip, y'a une flaque, c'est pas une blague, ici c'est crade. Comme un Belgrade, ça se dégrade, ça gratte, je gratte en grade. Ça dégoupille les grenades et ça se gratte.